Section 54 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11. Formation de la nation anglaise, la Grande Charte, 1087-1272. Première partie, considération générale et période normande, 1066-1135. Par Charles Bémont. Considération générale. La conquête normande avait achevé l'œuvre commencée par les invasions scandinaves et par l'occupation danoise. Le particularisme, si fatal aux anglo-saxons, était ruiné pour toujours. L'unité politique était faite. L'unité morale restait à faire. Les deux peuples, mis en présence, superposés l'un à l'autre par les victoires du conquérant, différaient par la langue et par les mœurs, par les appétits et les besoins. Ils étaient ennemis, et tant que durera cet antagonisme, l'Angleterre pourra être un État puissant, elle ne sera pas une nation. Cette nouvelle transformation va s'opérer promptement et sortira des nécessités mêmes imposées par la conquête. Pour se maintenir dans le pays vaincu et spolié, les rois se firent despotes. Leur pouvoir était fort, ils le rendirent intolérable. Sous les coups de la commune oppression, les vainqueurs et les vaincus s'unirent pour leur résister. Alors l'antagonisme de race disparut devant la communauté des intérêts. La guerre civile fut pendant 2 siècles comme l'état permanent, et c'est de là que sortit toute armée la nation anglaise. L'histoire de cette lutte, au 12e siècle, se divise en 2 périodes, celle des rois normands et celle des rois angevins. Elle aboutit à la Grande Charte, qui fut la conséquence et comme la preuve vivante de l'intime fusion des races. 1. Période normande, 1066-1135. L'héritage de Guillaume le Conquérant. Guillaume Ier laissait 3 fils. Sur son lit de mort, il avait, dit-on, réglé les partages. L'aîné, Robert Courteheuse, aurait le duché de Normandie. Le cadet, Guillaume le Roux, le royaume d'Angleterre. Le dernier, Henri Beauclerc, 5000 livres d'argent. L'archevêque de Canterbury, Lanfranc, qui avait élevé Guillaume le Roux, le couronna. Mais après lui avoir fait jurer de maintenir la justice, de défendre contre tous la paix, la liberté et la sécurité de l'Église. Guillaume II le Roux, la tyrannie. Guillaume II était intelligent, résolu, très brave au combat. Il avait la parole mordante et cynique. Il fit preuve de sagesse en suivant d'abord les conseils de l'habile ministre de son père. Lorsque plusieurs des chefs de la noblesse se soulevèrent en faveur de Robert de Normandie, il demanda et il obtint l'appui des Anglais en leur promettant des lois meilleures et des impôts moins lourds. Mais quand la mort l'eut affranchi de la bienfaisante tutelle de Lanfranc, 1089, il lâcha la bride à ses mauvais instincts. Avide, débauché, tyrannique, il parut n'avoir plus de passion que pour l'argent, le vin et les femmes. Il prit pour favori, et bientôt pour principal ministre, justicier, un Normand de basse origine, Ranulf Flambard, qui fut l'instrument trop ingénieux de son despotisme. Sa politique paraît surtout avoir consisté à rendre aussi strictes que possible les obligations de la féodalité. Les droits de relief, de mariage, de garde noble, furent exigés à des taux exorbitants. La régale fut appliquée avec rigueur. Ainsi, après la mort de Lanfranc, Guillaume prolongea pendant 4 années la vacance du siège de Canterbury pour en garder les revenus. Averti par une grave maladie de penser à ses péchés, il consentit enfin à laisser élire l'abbé Dubec. Anselme, élève de Lanfranc, théologien profond, âme candide, habile administrateur. 1093. Mais quand il eut recouvré la santé, il se prit de querelle avec le primat et lui défendit d'aller à Rome pour recevoir le pallium. Après plusieurs années de lutte, Anselme quitta l'Angleterre, 1097, et Guillaume mit de nouveau la main sur les revenus du diocèse abandonné par son pasteur. Le peuple ne fut pas mieux traité. Les taxes exigées de la noblesse retombèrent lourdement sur lui. Le Dangeld fut rendu plus onéreux. En 1094, la milice fut réunie à Hastings et renvoyée après que chaque homme eût payé au roi 10 shillings. Les lois forestières furent appliquées avec plus de rigueur que jamais. Aussi, quand Guillaume eut été trouvé percé d'une flèche dans la nouvelle forêt, 2 août 1100, n'y eut-il personne pour le pleurer. Usurpation de Henri Beauclerc. Guillaume le Roux ne laissait pas d'enfant. En vertu d'un traité passé à Caen, 1091, entre Guillaume et Robert, la couronne aurait dû revenir à ce dernier. Mais Robert, après une absence de 6 ans à la Terre Sainte, s'oubliait en pouille auprès de son beau-père et de sa femme. Henri Beauclerc profita de l'occasion pour s'emparer du trésor royal à Winchester et pour demander la couronne. Malgré les protestations de quelques barons qui tenaient pour l'héritier légitime, il fut accepté et couronné à Westminster, 5 août. C'était une véritable usurpation, mais il sut se la faire pardonner par d'opportunes concessions. Le jour de son couronnement, il renouvela le serment qu'avait autrefois prêté Ethelbert. Il promit de respecter les lois d'Édouard le Confesseur et d'assurer à tous la paix, la justice, l'équité. Enfin, il fit publier une charte, la première des chartes des libertés anglaises, où il s'engageait à maintenir les droits de l'Église, de la noblesse et du peuple. Flambard, que la faveur du feu roi avait fait évêque et comte palatin de Durham, fut mis en prison à la Tour de Londres. Anselme fut rappelé. Les abbayes et les évêchés vacants furent pourvus. Le mariage du roi ne fut pas un acte moins habile. En épousant Edith, fille de Malcolm Canmore, roi d'Écosse, et nièce d'Edgar Hetheling, Henri Ier rattachait la royauté normande au vieux tronc saxon. Les bardes anglais célébrèrent cette union avec enthousiasme, tandis que les Normands plaisantaient volontiers sur la tendresse que le roi témoignait à l'héritière de la monarchie déchue. Toutefois, la situation était loin d'être assurée. Au contraire, le règne de Henri Ier devait être un long combat contre la Normandie, contre les barons et contre l'Église. Henri Ier enlève la Normandie à son frère. Robert Courteheuse était enfin revenu dans son duché. C'était un prince aimable et courtois, brave et magnifique, mais sans esprit politique. Il s'était illustré à la première croisade devant Jérusalem et surtout à la bataille d'Ascalon. Enfin, son mariage avec Sibylle de Pouille lui avait procuré des sommes d'argent considérables. Il voulut disputer le trône à Henri Ier. Mais les nobles des deux armées refusèrent de courir les hasards d'une bataille et les deux frères entrèrent en arrangement. Henri fut reconnu roi et promit de payer à Robert, qui avait gaspillé son argent dans les plaisirs, une rente annuelle de 3 000 marks d'argent. 1101. La querelle reprit cependant 2 fois encore. En 1104, elle put être apaisée sans effusion de sang. En 1106, elle se termina par une victoire complète remportée par Henri Ier à Tinchebrai, 40 ans juste, jour pour jour, après Senlac, 28 septembre. Robert fut pris et enfermé au château de Cardiff, où il mourut après une captivité de 28 ans, 1135. Edgar Hetheling, son allié, fut pris avec lui, mais Henri lui laissa la liberté, et le dernier rejeton de la famille de Cerdic alla mourir obscurément dans un coin de l'Angleterre. Robert laissait 2 fils. L'aîné, Guillaume Clayton, fut soutenu par le roi de France, l'ennemi naturel du roi d'Angleterre, et par Foulque II d'Anjou, qui voulait arracher le Maine à la Normandie. Mais l'échec de Louis le Gros à Brémul, 1119, et une nouvelle défaite infligée au baron normand en 1124, ruinèrent ses espérances. Le jeune prince essaya encore de s'emparer de la Flandre après le meurtre de Charles le Bon. Il y trouva la mort, 1128. Henri était désormais à peu près tranquille du côté du continent. Relations avec la féodalité et l'Église. Dans son royaume, il eut à lutter plus d'une fois contre ses barons, dont il prétendait restreindre l'indépendance et réprimer les extorsions. les Anglais le soutinrent. En 1102, ils l'aidèrent à chasser Robert de Bellême, comte de Shrewsbury, tyran monstrueux, qui fut pris quelques années plus tard et enfermé dans la sombre tour de Wareham. Henri occupa militairement les châteaux de la plupart des rebelles, les autres furent déclarés félons et leurs biens confisqués. Cette rigueur n'était pas pour déplaire au peuple anglais. À l'égard de l'Église, Henri Beauclerc reprit la politique de son père. Mais la querelle des investitures avait compliqué la situation. Henri, après avoir vécu d'abord en bons termes avec l'archevêque de Canterbury, voulut ensuite l'obliger à lui faire hommage et à recevoir l'investiture de son archevêché. Anselme refusa et reprit le chemin de l'exil, 1103. Cependant, il n'y eut pas entre eux de ces conflits irritants d'amour-propre qui rendent toute réconciliation impossible. Par l'entremise d'Adèle de Blois, la pieuse fille de Guillaume Ier, le roi et le prélat eurent au bec une entrevue où ils conclurent un accord équitable qui devançait et préparait le concordat de Worms. Henri renonça à conférer l'investiture des évêques par l'anneau et par la crosse, mais il se réserva le droit d'exiger des membres du clergé le serment de fidélité et l'hommage. 1106. Anselme mourut peu de temps après, à l'âge de 76 ans, 21 avril 1109. Il fut canonisé, mais bien plus tard par Alexandre VI. L'opposition qu'il avait faite aux deux fils du conquérant eut pour effet d'unir étroitement le peuple et le clergé et de convaincre le souverain que, si absolu qu'il eût la prétention d'être, la conscience et la pensée étaient libres. Tout en luttant contre ceux qu'il considérait comme les ennemis de son autorité, Henri Ier organisait un personnel administratif mieux exercé que celui de son père. Il fut très habilement secondé dans cette œuvre nécessaire par un prêtre normand, Roger, qu'il avait distingué autrefois pour la rapidité avec laquelle il disait la messe. Quand Henri fut monté sur le trône, Roger devint chancelier, justicier, 1107, évêque de Salisbury. À côté de lui se formèrent de véritables familles administratives qui remplirent la cour du roi. Leur action ne fut pas douce au peuple. Ils rendirent une justice souvent rigoureuse, exigèrent les impôts avec une dureté qui excita plus d'une fois des murmures. Mais au moins la paix publique fut solidement défendue contre les entreprises d'une féodalité turbulente et les Anglais eux-mêmes apprécièrent comme un bienfait qu'un voyageur chargé d'or et d'argent put voyager dans le pays en toute sécurité. La succession de Henri Ier. Henri avait eu de sa femme Édith un fils qui trouva une mort tragique dans le naufrage de la Blanche Nef, 1120. Il ne lui restait plus qu'une fille, Mathilde, qui, toute jeune, avait épousé l'empereur d'Allemagne, Henri V, 1114, et qui resta veuve sans enfant en 1125. Henri lui fit alors épouser le jeune et beau Geoffroy Plantagenet, comte d'Anjou. De ce mariage naquit Henri, le futur Henri II, 1133. Le roi voulait assurer à cet enfant si désiré son héritage anglais et normand. Mais les barons consentirent avec peine à prêter serment à une femme. D'ailleurs, le père et la fille se brouillèrent bientôt. Ils n'étaient pas réconciliés lorsque Henri fut surpris par la mort en Normandie. 1er décembre 1135. Organisation de l'Angleterre sous les rois normands. Il y avait 70 ans que l'Angleterre était soumise aux Normands. Henri Ier avait achevé l'œuvre du conquérant. Il importe maintenant de mesurer exactement les changements imposés au pays par cet extraordinaire bouleversement. Le roi et la reine. La royauté maintenant possédait un double caractère. Comme à l'époque d'Edgar et de Canute, le roi était le chef élu de la nation. Mais d'autre part, il était devenu le seigneur suzerain de tout le pays à la manière des rois de France et d'Allemagne. Aussi était-il plus réellement encore qu'à l'époque précédente la source de toute justice, l'arbitre suprême de ses propres besoins et des moyens de les satisfaire. Aucune force constitutionnelle n'existait qui pût contrôler son autorité. Le peuple dépendait de lui à un double titre. D'abord parce que tout sujet lui devait à l'âge de 12 ans le serment d'allégeance, comme à l'époque saxonne. Ensuite parce que toute terre étant désormais soumise aux obligations féodales, les détenteurs de ces terres relevaient directement ou indirectement du souverain par les serments d'hommages personnels et de fidélité politique. À son couronnement, il est vrai, le roi jurait de respecter les libertés de la nation, c'est-à-dire les privilèges du clergé, de la noblesse et de quelques villes. Mais c'était un serment trop général pour limiter l'action du souverain. Auprès du roi, la reine avait pris une plus grande importance. Elle était couronnée à part et recevait un domaine considérable, gouverné par les officiers de sa maison. Les grands officiers et les ministres. Le roi était assisté par les grands officiers de la couronne et par des ministres. Ces grands officiers, héréditaires maintenant, comme ils l'étaient en Normandie, sont le sénéchal, le bouteiller, le connétable et le maréchal. Leurs fonctions n'étaient pas nettement déterminées, mais ils avaient une juridiction particulière et faisaient partie du conseil du roi. Les véritables chefs des services publics étaient le justicier, le chancelier et le trésorier. Le justicier, sumus ou capitalis judiciarius, n'avait d'abord été que le lieutenant du roi pendant son absence. L'office devint permanent sous Guillaume II. Il comprit alors toute l'administration judiciaire et financière du royaume. On peut considérer Ranulf Flambard comme le créateur de l'emploi. Roger de Salisbury exerça les mêmes pouvoirs auprès de Henri Ier. Le trésorier avait la garde du trésor royal déposée à Winchester. Il recevait les comptes des shérifs à l'échiquier qui se tenait à Westminster. Roger de Salisbury obtint cet office éminent pour son neveu, l'évêque d'Ely. À côté du trésorier, le chambellan était chargé d'écouter et de vérifier les comptes des agents royaux. Enfin, le chancelier, à la tête de la chapelle royale, était une sorte de secrétaire pour tous les départements ministériels. Il faisait rédiger par ses scribes et scellait tous les écrits royaux. Ces offices, moins celui de chambellan, furent remplis par des clercs sous le règne du conquérant et de ses fils. Par cela même, il n'y avait pas à craindre qu'ils devinssent héréditaires. Le conseil du roi ou curia regis. Le conseil du roi ou curia regis continuait à la fois la cour ducale de Normandie et le Witenagemot anglais. Sous le conquérant, il comprenait les évêques et les abbés à raison de leur sagesse officielle, les grands officiers de l'État et les chefs du baronnage anglais et normand. Mais il prit rapidement un caractère plus exclusivement féodal. Quand la question des investitures eut été réglée par Henri Ier, les évêques et abbés, tenus à l'hommage à raison de leur fief, purent être considérés comme siégeant au conseil en qualité de vassaux du roi, au même titre que les grands officiers et les barons. Mais il serait difficile de dire en réalité si la possession d'un fief était la condition nécessaire pour siéger au conseil. Comme à l'époque saxonne, cette assemblée était peu nombreuse à l'ordinaire. Elle ne comprenait guère que les proquaires, c'est-à-dire les évêques et les abbés, les comtes et les barons. Parfois, cependant, mais seulement dans des cas exceptionnels, on y appela les chevaliers, représentant la petite noblesse, et les bourgeois de quelques villes comme Londres et York. Sa compétence était d'ailleurs fort étendue. C'est avec son consentement que le conquérant amenda les lois d'Édouard le Confesseur et sépara les cours ecclésiastiques des tribunaux séculiers, que Henri Ier prit la couronne et régla la législation des forêts. Elle approuva la nomination des évêques jusqu'au jour où, sous Henri Ier, ceux-ci furent élus. Elle exerçait des pouvoirs judiciaires en matière civile et criminelle, ainsi quand elle prononça la condamnation à mort de Walter Hoff. À côté de ce conseil politique de la royauté, se développe au XIIe siècle un conseil administratif auquel fut réservée bientôt l'expression officielle de curia regis. C'est à partir de Henri Ier qu'on distingue clairement sous ce nom une cour suprême chargée à la fois de rendre la justice et de régler l'assiette et la perception de l'impôt. Quand elle siégeait en matière financière, cette cour prenait le nom particulier d'échiquier. La cour judiciaire pouvait, comme la cour politique, être composée de tous les tenanciers directs du roi. En fait, Elle ne comprenait que les grands officiers de la couronne et des juges, justiciarii, spécialement institués à cet effet. Elle était présidée par le roi ou par le justicier. Elle jugeait les causes où le roi était intéressé et les différends entre les tenanciers directs de la couronne. Elle était aussi cour d'appel pour réviser les sentences des tribunaux inférieurs et de recours pour juger quand ces tribunaux avaient refusé de faire droit. Elle délivrait des mandements royaux, writs, ordonnant des enquêtes sur les questions de propriété ou d'obligation féodale. L'échiquier est une institution proprement normande. Il était composé des mêmes officiers que le conseil judiciaire. Il se réunissait deux fois l'an à Pâques et à la Saint-Michel et se divisait en deux sections, la chambre pour vérifier les comptes et la chambre pour essayer, compter et embourser les espèces monétaires. Le résultat de ces opérations était consigné par écrit sur les rôles, rouleaux composés de peaux de parchemin cousues bout à bout, en triple expédition. Le premier était appelé le grand rôle de la pipe, son texte avait une valeur légale absolue. Le plus ancien de ces rôles est celui de la 31e année de Henri Ier, 1131. Les revenus de la royauté. Les comptes étaient rendus par les shérifs en présence des officiers ou barons de l'échiquier. Les revenus royaux formaient quatre catégories principales. Premièrement, la ferme du comté, comprenant tous les revenus auxquels le roi pouvait prétendre en vertu de ses droits fonciers. Deuxièmement, le Danegeld, maintenu par le conquérant et ses fils, mais à un taux variable et affaibli par de nombreuses exemptions en faveur soit des monastères, soit des vassaux directs du roi, soit enfin des shérifs. Troisièmement, les revenus féodaux, droits de relief, de garde et de mariage, confiscation, échouat, aide aux trois cas qui s'ajoutent à l'ancienne trinoda necessitas, vente des offices publics. Quatrièmement, enfin les émoluments de justice. Les principaux étaient fournis par les amendes, toujours très élevées, surtout quand on appliquait la loi d'anglaiserie ou les lois sur la chasse. Trop souvent, en effet, la justice fut un instrument fiscal dont abusèrent les mauvais ministres et les rois avides comme Flambard et Guillaume le Roux. Administration locale. L'autorité royale, si puissante au centre du gouvernement, se fit sentir également dans les provinces. À la tête du comté se trouve maintenant le shérif, Wicke Comes. Le comte n'a plus aucune part à l'administration locale et l'évêque se confine de plus en plus dans ses fonctions religieuses. Agents uniques du roi dans les comtés, les shérifs furent parfois investis de pouvoirs extraordinaires. En 1130, Richard Basset et Aubry de Vere exercèrent les fonctions de shérif dans 11 comtés à la fois, tout en restant membres de la Curia Regis et de l'échiquier. Comme tels, ils étaient appelés à vérifier eux-mêmes les comptes de leur propre gestion. Le centre de l'activité administrative résidait, comme par le passé, dans les cours de comté et de centaines. Les cours de comté se composaient des seigneurs ayant des fiefs dans le comté ou de leurs lieutenants, du bailli et de 4 hommes pour chaque township, du curé de chaque paroisse. Depuis Henri II, elles se réunirent deux fois l'an sous la présidence du shérif ou de son lieutenant. Elles avaient une juridiction à la fois civile, criminelle et volontaire. C'est là aussi que les juges en tournée rendaient leurs sentences, que les commissaires des revenus fixaient et répartissaient l'impôt. Dans une sphère moindre, les cours de Hundred fonctionnaient également. Il faut remarquer que l'assistance à ces assemblées était un devoir, non un droit. De fortes amendes frappaient ceux qui devaient y paraître et qui n'y venaient pas. Et les fréquentes amendes prouvent que les absences étaient fréquentes. Ce seul fait suffirait à montrer que ces assemblées locales n'étaient pas réunies pour délibérer librement, mais pour connaître les ordres du roi et les exécuter. Les villes. Londres. Les villes, pour la plupart, n'avaient pas encore d'administration municipale. Il faut faire une exception pour Londres, illustrée par la résistance souvent victorieuse qu'elle avait opposée aux Danois, devenue depuis la conquête la capitale du nouvel État, elle avait une organisation particulière. Elle était gouvernée comme un comté, ayant à sa chef un shérif élu. Il y en eut 4 en 1130, et des tribunaux élus. Le comté où elle se trouvait était affermé aux bourgeois. Les affaires locales étaient expédiées soit dans l'Assemblée du peuple, Volksmund, analogue à la cour de comté, soit dans l'Assemblée de quartier, Wardmut, analogue à la cour de centaine, soit dans l'Assemblée des Hustings, tenue tous les lundis. Mais les seigneurs laïcs et ecclésiastiques continuaient d'exercer leur juridiction dans la ville et l'on commence à peine à entendre parler des guildes. Ainsi, nulle part on ne constate une vie locale vraiment libre, il n'y a qu'un pouvoir dans l'État, celui du roi. L'enquête par serment. Le jury et le duel. L'influence normande s'est encore fait sentir en matière judiciaire, militaire et féodale. Une innovation importante est celle de l'enquête par serment. Les Saxons connaissaient le jury en matière criminelle. Ce sont les Normands qui l'appliquèrent aussi en matière civile. Désormais, dans les tribunaux du comté ou de la centaine, les jugements furent rendus par des personnes obligées par serment préalable de dire la vérité. Au mode de preuves employés par les Saxons, les co-jureurs, les ordalies, s'en ajouta une autre inconnue avant la conquête, le duel ou combat judiciaire. Il y eut aussi quelques tentatives pour introduire l'usage des guerres privées, mais la rude police de Guillaume Ier et de Henri Ier réprima de bonne heure cet abus. L'armée. L'armée devint plus exclusivement féodale. Les cavaliers nobles, vêtus de la broigne ou du haubert, armés de l'écu, de l'épée, de la lance, avec son pennon, en furent l'élément fondamental. Le nombre des chevaliers que chaque comté devait fournir fut, à partir de 1085, déterminé d'après l'étendue des terres nobles marquée au Domesday Book. La division en fiefs de chevaliers ou écuages s'établit ainsi auprès de l'ancienne division en hides qui subsista. Les arrières vassaux étaient tenus de rendre le service militaire, tout comme les vassaux directs de la couronne, à cause du serment de fidélité qui les liait au souverain. On voit maintenant dans quel sens la conquête normande a transformé la situation politique et administrative de l'Angleterre. Tout, dans l'organisation nouvelle, tendit à fortifier le pouvoir de la royauté. À l'anarchie avait succédé le despotisme, despotisme d'ailleurs nécessaire et souvent clairvoyant. Il n'en fut pas de même en ce qui concerne la condition des personnes et des terres. Les grands tenanciers sont pour la plupart, il est vrai, des Normands et non plus des Saxons. De même, la terminologie est empruntée le plus souvent à la langue des vainqueurs, mais ces changements ne paraissent qu'à la surface. Le fond n'a pas été sensiblement modifié. Condition des personnes et des terres, baronnie et manoir. En tête de la hiérarchie nobiliaire, et le comte, qui remplace l'ancien earl. Ce titre fut accordé d'abord avec parcimonie. Cependant, Guillaume Ier créa, sur les frontières les plus exposées, des gouvernements presque autonomes, tels que le comté de Chester, conféré à un seigneur laïc, et le palatinat de Durham, conféré à l'évêque. Ces agents étaient vraiment rois chez eux. Les ordres d'exécution étaient expédiés au nom du comte et non pas du roi. Ils ont subsisté jusqu'à nos jours. Les anciens tens prirent le nom soit de baron, soit de chevalier, suivant l'importance de leur fief. La baronnie formait un tout indivisible qui, en vertu du droit d'aînesse, importé de Normandie, passait en entier à l'aîné. Les vassaux immédiats du roi étaient désignés par l'expression technique dans la langue administrative de tenentes in capite. Quant aux droits réels attachés à la possession de la terre, ils ne changèrent pas. Le seigneur, normand ou anglais, exerça les mêmes droits que ses prédécesseurs, leva les taxes accoutumées. Ses officiers portèrent les noms normands de Senescalus, Balivus, Praepositus. L'administration du manoir fut la même. Les affaires locales de l'ancien township furent réglées dans la cour baron, et les différences en matière d'exploitation rurale dans la cour customary. les seigneurs, jouissant des droits de justice désignés par les termes « soc » et « sac », avaient aussi une cour criminelle ou « court lit », faisant fonction de cour de centaine, et pouvaient faire eux-mêmes sur leur terre la police des cautions collectives « francum plegium, franc pledge ». Dans ce cas, leurs hommes n'étaient pas tenus de paraître devant le shérif, quand celui-ci accomplissait sa tournée pour voir si les dizaines étaient pleines. La condition des paysans ne fut pas sensiblement modifiée par la conquête. Le Domesday Book, pour les 17 comtés auxquels il se rapporte, note l'existence de plus de 25 000 servis ou laboureurs qui ne possédaient pas de terre, 80 000 bordarii et 7 000 cotarii ou cotseti qui occupaient des maisons, cottage, à condition de cens, environ 110 000 villani, cultivateurs maîtres de leurs terres à charge de redevances perpétuelles. Au-dessus d'eux étaient les liberi homines ou socemani, représentant l'ancien propriétaire libre. Peu à peu, ces différentes classes se fondirent en deux, les libres et les vilains. On a déjà signalé la grande différence entre la féodalité sur le continent et en Angleterre. Les terres données par le conquérant à ses compagnons formèrent souvent de vastes domaines, jamais d'états autonomes. L'ensemble de ces domaines prenait le nom d'honneur, quand le seigneur avait reçu du roi les privilèges les plus étendus en matière de justice et de francs plèges. Le nombre de ces honneurs n'atteignit jamais le chiffre de 100. Il conférait d'ailleurs plus d'avantages matériels que de pouvoir politique. L'Église au service de l'État. Bien que surveillée de près, cette féodalité anglo-normande était toujours à craindre. Elle était un élément de trouble dans l'État. Le clergé, au contraire, était un élément de force. C'est lui qui fournit à Henri Ier ses meilleurs ministres. Par sa composition, il reflétait l'image de la société civile. Le haut clergé était rempli de Normands. Le bas clergé ne comptait guère que des Saxons. La forte discipline de l'Église fondit ces éléments disparates. Le clergé ne forma bientôt plus qu'une grande famille, intermédiaire naturel entre les vainqueurs et les vaincus. La situation sociale et constitutionnelle du clergé était donc un gage de stabilité pour l'État. La génération qui suit celle de Henri Ier verra le clergé abaissé, l'aristocratie féodale triomphante, mais aussi, grâce à la guerre civile, la rapide fusion des deux races déjà réalisée dans le sein de l'Église. Fin de la section 54.